extatique, empathique, tu pars et je reviens. Tous mes tics et tes tocs découvrent le tic-tac de l'horloge du salon. Le temps apparaît long, tu pars et je t'attends. Ne va pas trop loin, je t'appartiens. Ne va pas là-bas, je n'y suis pas. Je suis là, près de toi. Exclusif, attentif, ma tête dans tes tifs. Et mes doutes et tes routes, l'amour au loin les boutes. Lentement, doucement, l'angoisse s'en fout le camp. Je pars et je pars, tu me retiens. Ta main dans la main, le soleil au loin. L'horizon, ce vieux crétin, attendra demain. Ton cœur près du mien, j'en perds mon latin. Je sais tant que les gens ne s'aiment plus depuis longtemps. Mais moi, je m'en fous, je suis au rendez-vous pour toujours.